À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Et qu'on entend régulièrement dans radiosport.com pour parler de soccer, mais là, on va parler de soccer, mais de sa passion pour le soccer. Quand est-ce que ça a commencé, tout ça? Le gars est allé à 3 Coupes du Monde. C'est le seul, probablement, au sélectionneur qui a assisté à 3 finales de la Coupe du Monde. On parle avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Il a ouvert un bar également pour parler de soccer. Donc, j'en ai rarement vu des gens aussi passionnés. Salut, Benoît! Salut Danny, juste pour te dire, j'ai pas vu 3 finales, j'en ai vu une, mais j'ai été à 3. Trois Coupes du Monde, oui. Ok, 3 Coupes du Monde. D'abord, comment ça a commencé tout ça, cette passion pour le soccer? Ben, comment ça a commencé? Écoute, nous, le soccer, j'ai 54 ans, bientôt 55, ça a commencé. Moi, je viens de Saint-Bruno, un village au lac Saint-Jean, et puis c'est une gang de chums. On a le soccer, il n'y en avait pas. Hein. C'était le hockey l'hiver, le baseball l'été. Et puis, soudainement, on a vu apparaître ça. Écoute, on jouait dans les cours de récréation. On est parlé avec des amis, justement, dernièrement, du ballon coup de pied. Tout le monde a joué au ballon coup de pied. À quelque part, c'est du soccer, hein, du ballon coup de pied. On jouait dans les écoles primaires avec du ballon comme ça. Puis, on voyait ça un petit peu à la télévision. Et on a commencé à jouer à 16-17 ans. On a commencé très tard. Il n'y en avait pas de soccer. Et une gang, un groupe de Saint-Bruno, un groupe d'amis avec des chums. On s'était inscrits à des gars qui jouent au hockey beaucoup. Donc, c'était des sportifs. Moi, j'étais sportif aussi. Je suis un gars de badminton beaucoup, assez en compétition puis tout ça. Puis soudainement, on s'est mis à former un groupe, à se retrouver à Saint-Gédéon sur le bord de la plage, à jouer avec notre ballon, à dribbler puis tout ça. Puis la passion s'est développée au fil du temps. Ça a commencé comme ça avec un groupe de chums. Et soudainement est arrivé l'équipe du Manic à Montréal. Après ça est arrivé le soccer en Europe. On commençait à regarder les Coupes du Monde et puis tout ça. Maradona a commencé à suivre ça. Et puis là, ben ça s'est développé au fil du temps. Puis je te dirais qu'après ça, est arrivée une invitation pour une Coupe du Monde en 1994. On s'est retrouvés aux États-Unis match de quart de finale. On a vu le match Italie-Espagne, dont Roberto Baggio a marqué un super but. Après ça, on a vu Allemagne-Bulgarie. Stoïkov, on va se rappeler de ce nom-là, pour ceux qui étaient avec moi, on avait éliminé les Allemands qui étaient champions de la Coupe précédente. Donc, c'est à travers tout ça que la passion soccer s'est développée. Là. OK, OK. Puis là, par la suite, est-ce que tu as joué dans les différentes ligues? Tu as fondé les ligues? Ce que j'ai pu faire au niveau Lac-Saint-Jean, avant le soccer régional, c'était surtout du soccer senior. Il y avait les clubs au Saguenay, Jonquière, Chicoutimi, qui développaient déjà beaucoup à ce moment-là. Nous, de notre côté, on avait une ligue, il y avait une ligue de soccer au Lac-Saint-Jean. C'est pas moi qui avais formé ça, mais je me suis retrouvé à un moment donné président de cette ligue-là, la ligue soccer Lac-Saint-Jean-S. Il y avait Dolbeau, Robertval, il y avait des équipes au Lac, on était 8 ou 9 équipes. On était tous des responsables de ligue. C'était pas le soccer régional qui gérait ça. C'était comme une ligue de garage, mais de seniors, d'adultes. Et soudainement, on a commencé à avoir un petit peu moins d'équipes. Le Saguenay avait une ligue senior aussi. On s'est regroupés. On est devenu la Ligue Soccer Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce senior Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis devenu président de cette ligue-là pendant 2-3 ans, un petit peu avant que l'Association régionale de soccer se mettre à prendre le contrôle de cette ligue-là quand on a commencé à moins s'en occuper. Et là, ben, c'était le développement du soccer qui se développait au niveau de la région. Mais oui, là, j'étais président de cette ligue-là aussi régionale. Il y a eu aussi les Jeux du Québec en 1999. Envers ça, moi j'ai été responsable disciplinaire, c'était moi qui étais responsable de la discipline, donc c'est moi qui s'occupais du soccer aux Jeux du Québec, c'est moi le responsable avec un comité qu'on a formé, que j'ai formé avec des amis, et par la suite, ben est arrivée l'année 2000, où ce que là, j'ai participé au club d'Alma, à la formation du club d'Alma, on savait qu'il y avait un grand manque à la ville d'Alma au niveau de, c'était la ville qui gérait le soccer à ce moment-là, puis là on a dit go, on s'implique un petit peu plus, on va donner du bénévolat un peu, et là j'ai comme eu un petit poste au niveau de coordonnateur pendant quelques années et je me suis occupé de toutes les petites ligues là, des jeunes au niveau du secteur sud qui n'étaient pas gérées par l'association régionale de soccer à ce moment-là. OK. Donc, écoute, c'était... Et par la suite, ben, t'as fondé Espace Soccer. C'est-tu venu plus loin? C'est-tu devenu... Oui. Là, je te dirais qu'on est en... Je te parle des Jeux du Québec en 99. Ouais. On arrive avec le club dans le monde, on a donné un boom dans les inscriptions, je te dirais, à partir de 2000 à 2004, là, ça a été, il y avait soit 80, 100 inscriptions, et au bout de 3-4 ans, on était rendu 600-700 joueurs. Je pense que quand j'ai laissé le club dans le monde, on était rendu 600-700 joueurs, et c'est là, soudainement, qu'est arrivée l'idée d'avoir un petit endroit, pub café, donc t'es venu à Alma, Espace Soccer, qui était pour la culture foot, développer l'idée de la culture foot dans la région, c'était ça le plan de Espace Soccer, ça l'est encore. Donc, j'avais le lieu physique avec un restaurant. C'est un ami grec, en fait. Ça prenait quelqu'un d'extérieur pour comprendre mon concept, mon idée. On était sur le bord de la plage au lac Saint-Jean, puis j'y parlais de ça. J'aimerais ça, moi, avoir un petit lieu de rassemblement pendant les Coupes du Monde, pendant les Euros. Puis pourquoi pas l'impact commencer à se développer à ce moment-là. Ça serait intéressant d'avoir un endroit comme ça. Puis je pourrais vendre des gilets, vendre des maillots. Les gens peuvent prendre une bière, écouter le match, un rassemblement. Et soudainement, en 2003, est arrivée l'idée d'Espace Soccer. Lui m'a dit, regarde, moi j'ai un agrandissement à faire dans mon restaurant. Que dirais-tu de venir t'installer là avec tes projets, tes affaires? Puis ça va devenir une salle aussi de réunion, de réception pour moi au niveau du resto. Donc on a fait un combiné comme ça en 2003. Donc là, est arrivée la première, que je te dis, je dirais la première coupe en 2004 avec l'Euro. C'est le premier événement vraiment qu'on a organisé. Et là, les journaux s'en est mêlés. Il y a eu des beaux articles dans les journaux. Donc, l'idée de prémisse de tout ça, c'était vraiment développer la culture foot au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, soudainement, les Grecs, mon ami qui était un Grec, Timmy, je vais le surnommer, Eftimios Athanasiou, je tiens à le remercier, c'est vraiment lui qui a donné cette chance-là. Il était avec une partenaire d'affaires qui a dit oui aussi à ce moment-là, Nathalie, je vais la saluer aussi, Nathalie Lajoie de Saint-Bruno. Et là, soudainement, l'Euro, la Grèce remporte l'Euro, c'est le party, la première front page dans le journal du quotidien le lendemain de la victoire des Grecs, le ouzo, parce qu'on avait, moi j'avais dit à Timmy, le propriétaire, j'avais dit, trouve-moi une petite boisson, Timmy, à tous les fois que les Grecs vont marquer un but, tu vas faire la tournée du patron, tu vas donner une tournée. Et là, Timmy est arrivé comme le ouzo, qui est un espèce de pastis grec, comme un pastis français, je sais pas si tu as déjà goûté à ça, avec là, qu'est-ce qui est arrivé? On a fait un genre de petit schnapp avec ça. Et à tous les fois, on a dit, gars, j'ai dit, ça te coûtera pas trop cher parce que j'ai dit, les Grecs compteront pas grand but à ce moment-là. Mais ils ont gagné la coupe. Et à tous les fois que la Grèce marquait un but, c'était la tournée du patron, la tournée du ouzo. Et dans le journal le quotidien, le lundi, c'était écrit, le ouzo, puis la finale avait été la Grèce contre le Portugal. On avait dit, le ouzo plus fort que le Porto allemand. Donc, ça avait été un beau moment là, pour lancer l'idée d'Espace Soccer. Puis en parallèle avec ça, j'ai parti le site espacesoccer.com pour justement mettre des nouvelles. La page Facebook est arrivée, puis les réseaux sociaux. Parle-moi de t'as assisté en 98 en France à la victoire de la France à la Coupe du Monde. Parle-moi de ça un peu. C'est là vraiment que ça... Oui, ben l'idée d'Espace Soccer vient de là un peu. Alors, bon, je te dis qu'en 94, on est allé avec un groupe d'amis, on était une dizaine en petit autobus pour aller voir deux quarts de finale aux États-Unis. Mais en 98, moi, avec un ami, un enseignant au Collège d'Alma, Stéphane Dufour, j'ai dit ça en prenant une bière, j'aimerais ça, moi. J'avais fait un voyage en France, je m'étais blessé, j'avais comme coupé mon voyage, j'aimerais ça terminer mon voyage pendant la Coupe du Monde en France. Fait que là, on est parti Il dit, ça t'intéresse-tu? Mais j'ai pas trop de sous, mais il dit, garde, on va s'arranger ensemble, on va s'arranger un deal ensemble. J'ai dit, on est parti un mois, on a pris l'itinéraire à la Coupe du Monde, on est allé dans les parcs, on est arrivé à Lyon, on est allé à Saint-Étienne. Donc, on a suivi les parcs, les matchs. On a réussi à aller voir seulement un match, mais on a suivi la Coupe du Monde jusqu'à Marseille quand la France a gagné la demi-finale. La première fois qu'ils se retrouvaient en finale, donc ils avaient joué contre la Croatie. On était à Marseille ce soir-là. Le lendemain, on va voir sur la Prado un espèce de grande plage, il y avait 60 000 personnes. On est allé voir le match sur écran géant Brésil-Hollande. Après ça, on avait un spectacle de Santana, donc on a toute la soirée. Puis après ça, on finit ça avec, on descend à Paris pour la finale France-Brésil. Dans l'après-midi, on va se promener à l'entour du Stade de France. On voyait vraiment là, on voyait vraiment la chaleur de tout ça. La France remporte la Coupe du Monde. Écoute, gros trip total. Donc un gros. Ça devait être fourré. Oh oui, c'est Champs-Élysées, on s'est promené la nuit, mais là, on prenait l'avion très, très, très tôt le matin, ça fait qu'on a fait une nuit quand même assez, assez mémorable, là. Tous les bars étaient ouverts, on se promenait un peu partout. Et c'est à partir de là que l'idée d'Espace Soccer s'est développée un peu en revenant de ce voyage-là en l'an 2000-2003. Donc, c'est arrivé en 2003-2004 après Espace Soccer. OK. Donc, par la suite, tu étais allé dans plusieurs ligues, tu as fait fonder plusieurs. Comme joueur de soccer, t'étais-tu bon? Comme joueur de soccer, au début, quand on est rendu j'ai commencé à 16-17 ans, j'étais un attaquant, j'étais un gars rapide, j'étais sportif, je me débrouillais bien au niveau technique. Moi, jonglais avec un ballon sur le bord de la plage, Danny, j'ai fait ça pendant des années, 150, 200, 250 dribbles, j'avais aucun problème à faire ça. Là. Moi, au ballon, je vais te faire une centaine de dribbles sans problème, même aujourd'hui encore. J'étais pas un mauvais joueur, milieu de terrain. Au fil du temps, je suis devenu plus chialeux, je te dirais. Je suis devenu un joueur plus chialeux, plus grincheux envers les arbitres. Mon nom faisait le tour de la ligue un peu à ce niveau-là. C'était négatif un peu. Mais comme joueur, oui, je pense comme milieu de terrain, un bon passeur, bon distributeur, bon technicien. Mais à travers ça, la passion soccer qui se développe à travers tout ça. Mais tu sais, je joue encore au soccer, là, peut-être pas à cause du COVID, mais j'ai continué toujours à pratiquer ce sport-là une fois par semaine. Il y avait une ligue intérieure qui s'est faite le dimanche. J'ai joué pendant 13 ans. J'ai arrêté cette année. Là, je trouvais que la différence d'âge paraissait beaucoup au niveau de la vitesse. Ça me tentait un petit peu moins à ce niveau-là. Donc, je continue à suivre le trip soccer. Puis mes chroniques avec toi, les chroniques avec Michel Tifo à la radio, tout se développe, tout avance encore. Le lieu Espace Soccer a disparu un peu en 2016 parce que là, tantôt, je te parlais de 2004. On a présenté la Coupe du Monde 2006. Parce que le restaurant a fermé, il faut le dire. Oui, le restaurant a fermé. Puis moi, on avait fait des offres peut-être pour continuer le concept. Parce que moi, je n'étais pas prêt non plus comme enseignant. Mais c'est toujours un projet que j'ai en tête. Et tous mes amis le savent. Les gens proches de moi au soccer savent que le Café Pub, Espace Soccer, vente de maillots. Et tu peux t'acheter un maillot, tu viens écouter un match, tu viens te rassembler. Là, on est en mode COVID. Mais c'est un projet peut-être de retraite. Il me reste quelques années encore dans l'enseignement. Donc oui, c'est un projet de retraite, c'est un projet qui m'anime énormément. Maintenant, je ne veux pas être prisonnier d'un lieu comme ça non plus. Je veux continuer quand même quand on va être en mode retraite, on verra bien. Mais comme je te disais tantôt, 2004, 2006, la Coupe du Monde, la coup de boule de Zidane en finale, on était à l'Espace Soccer, tout le monde était là, c'était un moment incroyable. 2008, l'Euro, l'Espagne remporte. 2010, les Espagnols remportent la première Coupe du Monde. Donc, puis ça dure un mois, là. Il y a du monde, tu sais, il y a des matchs, on avait des matchs, mettons qu'il n'y a pas grand monde qui venait, mais t'es venu une fois en demi-finale en 2016, Allemagne contre la France, on se souvient de ce moment-là. J'ai réussi à avoir Michel Tifo, justement, qu'on a fait des émissions de une heure de soccer. Et là, soudainement, est arrivé le 2016, le local, le restaurant Apollo a fermé, donc le local Espace Soccer a pris un arrêt là-dessus. En 2018, est arrivé le gros moment de mon trip. Ben là, parce que là, tu parles, mais t'as peu, là, je vais te poser des questions. Justement, je t'ai rendu là. La Russie, parle-moi de cette Coupe du Monde-là en Russie, tu as participé. Ou tu étais là à la finale, même, ça. C'est oui. Peut-être le seul Québécois qui était dans le stade, je pense. Il y avait un autre Québécois, j'ai envoyé un texte, c'était un journaliste. Arcadio Marcosi. Oui, il y a Arcadio Marcosi. J'ai essayé de le contacter, mais il ne m'a pas donné de réponse. Comment c'était en Russie? Il devait y avoir d'autres Québécois, mais écoute, la Russie, ça part d'une histoire quand même. Ça part de. En 2010, en 2014, la Coupe au Brésil, j'avais fait des demandes sur la FIFA. On vend des billets sur le site officiel de la FIFA, OK? Tu t'inscris, tu peux gagner, tu payes tes billets. Mais là, moi, j'ai dit, bon, j'ai fait 94, j'ai fait 98. Là, j'ai dit, bon, 2018, j'appelle un de mes grands chums de soccer, Carl Bouchard, que j'ai joué au soccer avec. Ça fait, on a joué ensemble une trentaine d'années. C'est mon gros chum de soccer. Fait que j'ai dit, Carl, ça t'intéresse-tu, on va en Russie. Fait qu'on, je suis en train de nous inscrire. On était au mois de août, septembre 2017. Fait qu'on s'inscrit. Puis là, j'ai dit, tant qu'à y aller, on va prendre des gros matchs. Fait que je prends deux quarts de finale, une demi-finale, une finale et la finale. Et là, un mois plus tard, on m'annonce que j'ai été pigé pour aller avoir ces quatre matchs-là. Mes quatre matchs ont été attribués. Donc, le montant, j'avais mis ma carte de crédit là-dessus. Le montant est parti. Go, on s'en va. Carl m'annonce quelques jours avant, il pensait pas qu'on allait être pigé, qu'il pourra pas venir. Fait que il y avait un autre voyage de prévu. Donc moi, j'ai dit bon, je continue l'aventure. J'y vais-tu ou j'y vais pas? C'est un moment de vie qui repassera pas. Je dis go, on y va. Fait que j'ai réussi à me trouver quelqu'un d'autre. J'ai fait une annonce à des amis proches, des gars de soccer. Il y en a un qui a levé la main, Pierre Vincent. Il dit moi, ça m'intéresse, donne-moi ton projet. Ben, ils m'ont aidé à construire le voyage. Lui, il s'est occupé des réservations. Il a tout pris ça. Et là, on est parti le 2-3 juillet 2018. Pendant ce temps-là, Espace Soccer a revu. Je me suis trouvé une autre entente avec un autre restaurant. J'ai des œufs qui, Alma, m'a accordé la place pendant le mois. Donc, pendant que je préparais mon voyage, j'avais Espace Soccer qui reprenait sa vie un peu. On a présenté la Coupe du Monde encore à Espace Soccer, J'ai des œufs, un autre endroit, une collaboration qu'on a faite avec Mme Guylaine Dufour. Et là, go, nous, le 3 juillet, on part pour la Russie. On arrive à Kazan, la première ville, dans la nuit. Quel moment incroyable après ça. Bon, on va voir le premier quart de finale, un match Belgique contre le Brésil. Une surprise, les Belges avaient une très belle équipe, battent le Brésil. Pendant ce temps-là, j'ai Michel Tifouche, que je fais des chroniques depuis 5-6 ans, comme avec toi. Vous m'appelez, puis on parle en... Là, c'est le temps de me vanter. Là. C'est moi qui t'ai donné ta première chance dans le domaine des communications. Ça, c'est très vrai. T'enverras chèque par le mal, là. Non, blague à part, c'est bien plus moi qui te dois de l'argent que toi, je te dois, là. Je me cherchais un chroniqueur soccer à l'époque pour parler parce que l'Impact arrivait en MLS, si je ne m'abuse. Je me cherchais un chroniqueur soccer, puis j'entendais parler plusieurs fois Espace Soccer. J'ai dit, tiens, moi, l'appeler pour voir si... S'il n'est pas pire. S'il n'est pas pire, je pourrais le garder. Puis finalement, ben, c'est depuis ce temps-là qu'il est avec moi. Donc, c'est bien plus moi qui te dois de l'argent que toi que je te dois de l'argent, Benoît. Mais oui, mais en même temps, après ça, tu as donné mon nom à Michel Tifot dans son univers. T'as rien retiré, là. Non, c'est pas grave. C'est vraiment... Ouais. C'est vraiment passion, soccer. Je fais ça pour l'amour du foot. Puis tu vois, à travers ça, je me suis comme trouvé une carte d'accréditation média avec l'Impact. Donc, je me suis retrouvé dans les vestiaires de l'Impact à saluer Patrice Bernier, à me lever à un moment donné pour saluer Didier Drogba. Je vais toujours me rappeler. Je suis dans le vestiaire. C'est puis lui je qui doit de l'argent. Fait que je m'avance. Facture par la main. Des beaux moments comme ça. Puis après ça, ben, pour te revenir sur la Russie, ben, on a vu la finale qui était un moment incroyable à Moscou le 15 juillet. Là, sur mes réseaux sociaux, ma page YouTube, et tout ça. On voit des vidéos souvenirs de tout ça. Donc, avec un ami, donc Pierre Vincent, comme je l'ai mentionné tantôt, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais c'est lui qui est venu avec moi. Donc, tout un moment là, de foot là, pendant cette période-là, au mois de juillet. Et quand je suis revenu ici à Alma, ben, après le voyage, ben, je me suis impliqué maintenant, présentement, au sein du conseil d'administration du soccer Saint-Lac-Saint-Jean. Et là, je suis là, ça fait 2 ans. Mon mandat devrait être renouvelé. Je devrais regarder pour un autre mandat. Ça fait qu'on est là-dessus un peu. On essaie de développer le soccer avec les. Après la pause, Benoît, si tu permets, on va faire une pause. On va parler du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean et au Québec. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Benoît Lavoie, probablement le plus grand passionné du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean, sûrement. Il est un des plus grands passionnés au Québec. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuet Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. On est de retour à danradiosport.com. Benoît, si on parlait un peu de l'avenir du soccer au sein du Lac-Saint-Jean, écoute, et au Québec, pas juste à parler, toi, là, t'as vu l'évolution du soccer. Est-ce que le soccer au sein du Lac-Saint-Jean s'est amélioré beaucoup? Ben, c'est sûr qu'au niveau technique, pas le choix de dire oui, parce que, écoute, il faut regarder au niveau des entraîneurs, au niveau des programmes qui se sont développés, qui se sont instaurés au fil du temps. Il y a eu des concentrations qui ont tout d'abord commencé avec les écoles du côté de Jonquière, avec Jonquière et Chicoutimi, avec Mme Linda Martel du temps, que je tiens à saluer, qui, selon moi, est une des plus grandes bâtisseuses du soccer dans la région, qui n'est plus en poste maintenant, mais moi, je tiens à la saluer, cette dame-là. Puis c'est une amie personnelle aussi, elle vient du même village que moi, on a la même âge, donc Linda Martel, un beau salut que je te fais, et puis un beau merci aussi, là, très important. Le soccer a évolué, Danny. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé un poste en sport-études à Alma par Léon-Wilbra Dufour qui a parti un programme de sport-études avec le club d'Alma. Moi, de mon côté, je faisais des choses dans les écoles aussi. On a parti une petite option soccer à l'école secondaire Camille Lavoie, qui n'était pas un programme reconnu par le ministère et par les fédérations, mais c'est pas grave, on faisait du soccer, du futsal, du soccer en salle. Moi, je suis plus à cette école-là, mais je l'ai fait pendant 5-6 ans. Et puis, on est allé en Espagne des fois. Tu sais, on s'est parlé quelques fois. J'ai organisé aussi, je t'ai parlé de la Coupe du Monde en Russie, mais on est allé en Espagne deux fois. Et à travers ça, le soccer se développe. Et oui, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des grandes discussions à faire avec les gens du soccer régional. On sait que le club maintenant, le club Venturi, il y avait 4 clubs au Saguenay. La ville a décidé de s'enligner vers un club. Donc, c'est le nouveau club Venturi qui a pris un poste. Donc, on n'a plus 4 clubs. On avait Chicoutimi, on avait Labbé, on avait Jonquière. On a tout regroupé ça, comme ils ont fait dans les autres sports, comme au hockey, je crois. Et à travers ça, tu as le Haut-du-Lac, hein, comme dans le coin de chez vous, Saint-Félicien, Dolbeau. Depuis l'année passée, l'association régionale a mis un directeur technique adjoint qui vont faire du développement là-dessus. Donc, à ce niveau-là, ça se développe. Il y a une baisse de membership. Le Soccer Dome, t'en dis quoi? Ben, le Soccer Dome, je pense qu'on est rendu là, ça fait des années. Là. Il faut quand même dire que Alma a pris le bon depuis les derniers Jeux du Québec d'hiver en faisant, peut-être que c'est pas un terrain de soccer en 11, mais au moins à Alma, c'est déjà fait. Le Saguenay, ça retarde, ça va arriver, c'est sûr. Le soccer est rendu là. Mais je pense que c'est important que le Soccer Dome puisse enfin arriver dans notre région. Mais à travers ça, comme je te dis, Danny, oui, les clubs se développent, le niveau s'améliore, mais le membership, en contrepartie, il y a une baisse de membership. Et là, c'est là que je te dis que les responsables régionaux devront se jaser pour comment ramener un peu de membership. Pourquoi le membership peut baisser? Ben, veut pas, des fois, tu parles de la compétition, des fois, ça laisse des gens sur le côté un peu, des fois aussi. Là. Ça a un côté pervers un peu. Donc, ça peut arriver. Je vais donner un exemple dans le Lac-Saint-Jean-Est. Moi, j'ai été coordonnateur quand on a parti le club d'Alma dans les années 2000. Il y avait Saint-Bruno, il y avait Héberville, Héberville Station, il y avait Saint-Gédéon, il y avait Métabetchouan, il y avait tous 150-200 joueurs par village. Aujourd'hui, en 2020, on arrivait quasiment à 700-800-900 joueurs juste dans les villages. Et là, aujourd'hui, on est beaucoup moins parce qu'à un moment donné, tu as un club comme Alma qui ne veut pas faire du développement puis faire de la compétition. Et les jeunes, les bons éléments, souvent vont se retrouver à s'en aller vers le centre, ce qui fait que tranquillement, pas vite. Puis tu as les bénévoles à travers tout ça aussi, ça prend des bénévoles. Mais au bout, pour répondre rapidement à ta question, oui, au niveau technique, ça s'est amélioré, mais au niveau membership, il y a des questionnements encore à se faire, des réponses c'est à se faire. C'est pas la culture, puis ça, on en a parlé en dehors des ondes, en ondes. La culture soccer est à développer énormément, et malheureusement, l'impact ne fait pas son travail. Excuse-moi, là. On a vu encore la plus belle preuve la semaine passée. Diego Maradona est décédé. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du soccer au Québec. Pour Québec, c'est du là. Dans le monde entier. C'est un des trois plus grands joueurs dans le monde entier. Ça en a parlé, mais ça n'en a pas parlé comme on aurait dû encore. Ça te prouve à quelque part que c'est la culture soccer au Québec est encore à travailler. Malheureusement, l'impact ne fait pas sa job. Tu es d'accord? Bah. Ouais, c'était l'impression que toi, on s'en parle souvent, tu me le dis souvent. Ben moi, je suis le club beaucoup. Tu sais, je suis un gars de soccer. C'est sûr que dans les régions, là, avec ce qui se passe, avec l'histoire de nom, la rumeur qu'on a entendue cette semaine. Au moment où on enregistre le podcast, écoute, il faut le dire, là, Benoît, au moment où on enregistre le podcast et au moment où on diffuse, il y a un gros délai de 2 à 3 semaines. Donc, au moment où je vais mettre en ligne, je ne sais pas où ça va être rendu, cette histoire-là. Mais quelle erreur, si jamais ils font ça, là, quelle erreur, c'est gigantesque. Mais ça, on va parler de régulière. Hein? Ben moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis contre l'idée de changer de nom là, pour un rebranding, comme on appelle dans le jargon là, du sport professionnel. Mais les marques sont par rapport à un produit de marque. Mais moi, je suis contre ce projet-là, cette idée-là. L'impact doit construire son histoire, doit améliorer son produit sur le terrain et qu'on se concentre là-dessus. Et puis après ça, qu'on amène des éléments, qu'on signe des jeunes comme on a signé dernièrement des jeunes de l'académie puis tout ça. Ça, c'est intéressant. Maintenant qu'on vienne peut-être chercher des joueurs, d'autres éléments un peu partout dans le monde, parce qu'avec Olivier Renard, le trio qui est en place, moi, j'ai confiance en ce trio-là. Renard, Henri et puis Gilmour, j'ai très confiance en ce trio-là. Puis je te dirais aussi que par rapport à la promotion qu'on a fait au Québec, il y a peut-être un manque dans les régions. On voit vraiment que c'est un produit montréalais. Est-ce qu'il y aurait un travail à faire pour faire des activités dans les régions avec les anciens de l'Impact? Là, c'est sûr qu'on pourrait avoir un petit club d'anciens d'Impact qui pourra faire des tournées de temps en temps pour des événements, quelque chose, des événementiels, créer des événements. Mais c'est quand même, on a vu quand même là, ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. Les gens sont contre le projet. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Maintenant, à suivre pour la suite. Là. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, très très intéressant encore une fois. Au plaisir de se reparler dans nos chroniques régulières. Danny, merci beaucoup. Et pour terminer, je te disais que j'étais dans le conseil d'administration de l'ARS. Cette année, en 2021, il va y avoir des événements dans la région pour souligner les 50 ans de l'arrivée de l'ARS, l'association régionale dans la région. Et moi, je suis impliqué dans ce comité-là. Et je te fais un scoop tout de suite. Là, on est en train d'avoir des discussions avec l'Impact de Montréal pour faire venir M. Kevin Gilmour qui vient d'Arvida. Ben, c'est ça le temps. C'est un bon débat, là. Un bon début, c'est-à-dire. Benoît, on s'en reparle dans les chroniques régulières. Yes, salut, merci. Dans la voix d'espacesoccer.com.